toute cette fumée te cache à moi. Pourtant tu es là. Je reste là. Ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Et je te vois, c'est bien toi, oh non. Dans cette fumée, tu es l'arc-en-ciel. Ciel gris, et même le temps semble arrêter, et mon esprit détruit. Tout se change en rêve à présent, la vérité s'en va. Je reste là. Ton parfum est si fort que tu es là, ma tête tourne. Je reste là.